Ce soir, au programme du Undead Incorporated Show, nous alternerons entre l'obscur, voire les ténèbres et le massacre. Voici donc votre présentation spéciale et principale de la soirée qui s'intitule « Le massacre ténébreux de l'obscurité ». C'est un titre encore plus ridicule que ceux d'Edwood, qui ne sont pas piqués des vers. Le massacre ténébreux de l'obscurité est une présentation de réanimation. Réanimation les plus célèbres zombies du monde. Trouvez-les partout où vous ne voulez pas. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause I, Pendragon, said so. Go. beaucoup de matinées extraordinaires. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Jeudi le 13 novembre prochain à 20h, le Nord-Ouest Café reçoit les grands gagnants des Mardis de la Relève du Gambrinus, édition 2014. Les gars de Mashup et leur son rock, tantôt blues, tantôt drôle, mais toujours le fun. En première partie, Élixir de Gumbo. 6$ à la porte, plusieurs spéciaux sur la 50. Ne manquez pas les gars de Mashup ce jeudi 13 novembre au Nord-Ouest Café. Mais je me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais rempli d'espoir. Ce brigade tout n'avait de l'alpha, que j'étais parti pour la gloire. J'étais curieux, bien allumé, il fallait toujours... Tous les jeudis matin, deux brunettes très différentes vont essayer de s'entendre pour vous faire découvrir leur style de musique. Un rendez-vous à ne pas manquer. Deux filles, deux styles, une émission, les jeudis, 9h30. Radio Sonic est une émission de découverte musicale éclectique. On y joue des nouveautés, des classiques, en plus de parler de l'actualité musicale. Radio Sonic, tous les jeudis de 21h à 23h sur les ondes de CFU. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Zitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Zitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Zitel, allez plus loin. Fou Denis Rock. 89. Souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation, cette première du mois des morts. 4 novembre de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagne métalliquement et ce jusqu'à 21h. Nous venons d'emblée d'entendre ce premier quart. Ben, en fait, non. C'était plutôt le cinquième, effectivement, de ce merveilleux spécial, cette présentation unique qui porte le titre du Massacre ténébreux de l'obscurité. Incroyable. J'aurais pas pu trouver plus ridicule comme titre, mais j'étais, comme je l'ai dit lors de l'introduction, très inspiré par les choses absurdes de ce cinéaste farfelu qui était Ed Wood. On vient d'entendre la formation Necrophobic et la pièce de Necromancer que l'on retrouve sur leur dernière parution par un 2013, soit Warm of Lilithu, qui est sous étiquette Season of Mist, juste avant une formation dont je n'ai pas passé énormément d'extraits depuis que je l'ai découverte. Il s'agit de One Man Army and the Undead Quartet, une formation suédoise qui donne dans un death trash metal qui existe depuis 2004. C'était leur dernière parution, soit en 2011, de Dark Epic, et la pièce Sandman Apocalypse. C'est un album qui est paru, comme je l'ai dit, en 2011 sur Massacre Records. Et j'ai renoué quasi accidentellement avec cette formation One Man Army and the Undead Quartet parce que j'étais à faire du classement de disques, évidemment. Et hop, je me suis dit oui, c'est vrai, c'était pas vilain ça. J'ai réécouté ça et puis effectivement, c'est loin d'être vilain, c'est très bien. Donc je me suis dit, ben c'est merveilleux, ça rentrera bien dans mon merveilleux Massacre ténébreux de l'obscurité. Donc c'était la pièce Sandman Apocalypse. Nous avions juste auparavant Samael et la pièce Suprakarma. Suprakarma que l'on retrouve sur Eternal, qui est une des très très bonnes parutions de cette formation suisse, soit Eternal, paru en 1999 sous étiquette Century Media. Et nous avons ouvert avec une formation qui n'existe plus, une formation qui vient de Suisse également, soit Alastis, qui est cataloguée comme étant une formation black metal. J'ai quelques albums d'eux et je trouve que ça sonne beaucoup plus dark metal qu'autre chose. Mais bon. C'était la pièce Just Eight, pièce d'ouverture de l'album Revenge, qui est paru en 1998 sous étiquette Century Media. Et ils sont séparés depuis 2004. En fait, ils ont œuvré de leur année d'activité sous le nom de Alastis, et de 89 à 2004, puisque de 87 à 89, ils s'appelaient Fourth Reich. OK. Bon, ce soir, je vous présente, dans quelques instants d'ailleurs, le premier album de la soirée dont je vous avais annoncé la venue la semaine dernière. En fait, ils étaient déjà arrivés, mais je ne les avais pas présentés, bien entendu. Est-ce qu'il faut que je le dise? Dois-je le dire? Voilà, bon. Il s'agit de At the Gates. At the Gates, c'est une formation qui, effectivement, vient de... comme beaucoup de formations de melodic death metal qui vient de Suède. Quoi? Le docteur passe du death metal mélodique. C'est très rare, j'en conviens. C'est tellement rare que c'est possiblement une des seules formations avec lesquelles je le fais pour diverses raisons. Parce que je n'aime pas ce style. C'est simple, je n'aime pas ce genre. Je l'ai tout le temps dit, je le clame tout haut. Le mot mélodique et death metal ne vont pas ensemble, selon moi. Ce sont des antipodes l'un de l'autre. Mais, bon, certaines formations, plusieurs formations européennes et plusieurs formations suédoises ont décidé de faire le contraire de ce que je veux. C'est-à-dire d'unifier ces deux termes ensemble. Moi, personnellement, j'aime pas vraiment ça, mais At the Gates, je dois dire que c'est une des formations que je considère. Je ne suis pas un fan invétéré, je n'en écoute pas très régulièrement, mais lorsque j'entends At the Gates, je ne suis pas fâché. Donc, il s'agit ici de leur cinquième album studio. C'est quand même pas beaucoup, là, considérant le nombre d'années d'activité sur les 1990. Bon, il y a eu des pauses, 90-96, 2007-2008, 2010 à aujourd'hui, mais quand même, on s'entend que cinq albums studio complets, c'est pas énormément. Peu importe, la dernière parution qui porte le nom d'At War With Reality, qui est paru sur Century Media, est un album que je considère comme étant bien correct. Oui, je dirais pas fort correct, mais bien correct. Je lui ai accordé tout de même une note assez généreuse, qui est d'un 7 sur 10. En passant, c'est disponible autant en version CD qu'en version vinyle. Je l'ai dit, c'est l'un des rares groupes du genre que je tolère et que j'écoute à l'occasion. Il faut qu'At the Gates soit à la hauteur pour que moi, j'écoute ce genre musical-là. Il prouve, effectivement, qu'avec At War With Reality, qu'ils sont à la hauteur, du moins de mes attentes, mais j'espère de plusieurs autres aussi. Et ce que je reproche peut-être à The Gates, à certains moments donnés, c'est peut-être plus l'aspect vocal, qui n'est pas mauvais du tout, mais qui a tendance à peut-être me chatouiller un petit peu. Pas m'écorcher, mais me chatouiller. Peu importe. On va écouter deux pièces qui sont respectivement Death and the Labyrinth et The Circular Ruins. Je déteste dire ce mot. Courte présentation de 7 minutes, mais quand même, vous allez avoir une bonne idée de ce que c'est. At the Gates, go! We'll be right back. At the Gates, deux titres tirés de leur dernier album, At War with Reality, paru il y a peu de temps. Soit exactement, je vais vous le dire, le 27 octobre dernier. De Circular Ruins, il y a des mots comme ça qui sont absolument horribles à prononcer. De Circular Ruins, qui était cette pièce à l'instant, c'était précédé de Death and the Labyrinth, qui sont respectivement les deuxième et quatrième pièces de cet album, At War with Reality. Je le dis, je lui ai donné un 7, je trouve que c'est tout à fait correct comme album. Le vocal peut être fatigant à la longue pour moi. Voilà. J'ai une longue chronique cinéma cette semaine à vous partager. Je le ferai un peu plus tard dans l'émission. Je n'ai pas vraiment d'autres chroniques musicales. Je n'ai pas d'entrée nouvelle musicale cette semaine, autre ce que je vais vous présenter, soit The Gates, ce qu'on vient de faire à l'instant, et un peu plus tard, Abyss Meltdown et trois pièces du nouvel album Obsolescence, qui est très bon. Non, pas de nouvelle entrée, rien qui m'a vraiment plu, donc je préférais m'abstenir. Par contre, au niveau du cinéma, j'ai vu des trucs, ma foi, fort intéressants et très mauvais aussi. Mais allons poursuivre musicalement avec cette fois-ci une autre partie de ce magnifique massacre ténébreux de l'obscurité. Je trouve ça tellement ridicule. Cette fois-ci, on va y aller avec une partie un peu plus massacrante parce qu'on va débuter le tout avec, en fait, cinq pièces qui sont retenues dans cette partie. Et le tout débute avec des gens plus ou moins reposants. Il s'agit de Behemoth et la pièce Ben Sahar que l'on retrouve sur The Satanist. Go!

l'excellente pièce Nile, What Could Be Safely Written. La pièce d'ouverture de ce non moins très bon album, Etypharlic, qui est paru en 2007 sur Nuclear Blast, c'est grandiose. C'était un bloc qui était évidemment, s'adressait à des formations qui étaient, passablement tous conceptuels, bien entendu. Nile, on le sait, ils sont principalement et majoritairement autour du concept de l'ancienne Égypte. Nous avions la formation italienne Aid et la pièce Sanguine Pluit in Arena. C'est tiré de l'album Spartacus. C'est leur premier album paru en 2013 sur Blast Head Records. C'est vraiment excellent, Aid. Évidemment, eux, ils tournent autour de la Rome antique et principalement ici, sur l'histoire légendaire de ce gladiateur, cet esclave devenu gladiateur qui est Spartacus. Formation Mahat, formation qui est allemande, formation qui donne évidemment aussi dans un death metal, qui eux s'adressent également à l'ancienne Égypte, à la mythologie de l'ancienne Égypte, et la pièce Autumn Conqueror of Chaos, qu'on retrouve sur leur seul unique album complet studio As We Create the Hope from Above, paru un peu plus tôt cette année sur Oral Attack Production. Hour of Penance, une autre formation italienne qui donne dans un death metal assez brutal d'ailleurs, très brutal d'ailleurs, comme je les aime. Et la pièce Resurgence of the Empire qu'on retrouve sur l'album Regicide qui paraît en 2014. Ici, il s'agissait de leur sixième album complet. Formation qui existe depuis 1999, relativement jeune, si on veut. Ben, relativement jeune. C'est relatif aussi d'ailleurs, là, mais bon. Comparativement à des bandes qui existent depuis les années 80, c'est jeune. On a ouvert avec Behemoth. Bien sûr, Behemoth qui donne dans un, c'est un black death metal maintenant, puisqu'initialement c'était une formation black metal uniquement. Maintenant, ils sont beaucoup plus axés sur le black à forte tendance death. Bien sûr, Behemoth, formation qui a donné dans plusieurs thématiques, dans le paganisme, dans l'histoire, dans le satanisme, dans le tout ce qui était démoniaque. Maintenant, ils sont plutôt du côté Thelema. Thelema, c'est une loi, si on veut, une espèce de doctrine qui a été mise en place principalement au début des années 1900 par Aleister Crowley. Et cette doctrine législative, si on veut, a une espèce de d'unique pensée qui est « fais ce que tu veux faire ou ce que tu as à faire, point ». Donc, j'imagine que c'était peu importe les conséquences. C'est tiré du dernier album. La pièce était Ben Sahar, qui est tiré du dernier album de Sataniste, qui est paru un peu plus tôt cette année encore, 2014, sur Nuclear Blast. Généralement parlant, moi, je suis un ben, en fait... J'ai à peu près tous les albums de Behemoth. Je préfère, bien entendu, leurs séquences où ils sont un peu plus death metal. Mais par contre, je dois dire que même ce qu'ils ont fait au début, qui était beaucoup moins grandiose, qui était moins, je dirais, percutant, était quand même intéressant. Aujourd'hui, c'est une formation qui a plus besoin de présentation, bien entendu. Et on aurait eu la chance, nous ici, dans la région de Trois-Rivières, de pouvoir les voir grâce à nos amis de Trois-Rivières Metal. Il y a de cela un certain nombre d'années. Ben tiens, mais je vais y aller avec le cinéma. Je vais y aller avec le cinéma. Et puis, de toute façon, l'émission avance, donc si je vais avoir le temps de le faire, parce que j'ai encore d'autres choses pour vous, bien entendu. Je vais commencer par des trucs qui seront en salle sous peu. Un film qui porte un drôle de titre, qui est le Babadook, The Babadook, qui sera en salle le 7 novembre. Selon le résumé que j'ai pu en lire, il s'agirait le Babadook d'une créature maléfique, une petite créature maléfique qui dérangerait la vie d'un jeune garçon. Donc, mais ça m'a quand même inspiré. Bon, bref, c'est à suivre. Là, ça c'est le 7 novembre. Je l'ai dit la semaine dernière, je vais le redire aussi. Les amateurs de la série Hunger Games, eh bien, la troisième partie, c'est la troisième ou la quatrième? La troisième partie, je crois, qui porte le titre de Mockingjay, sera en salle le 21 novembre. Je vous rappelle que le premier était quand même distrayant, minimalement, assez, même je dirais quand même relativement bien. Le deuxième était vraiment nul à chier. C'est un film pour adolescents, pour jeunes filles, même, je crois. Bon, on va savoir avec Mockingjay. Film que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est le troisième et dernier chapitre des Hobbit, The Battle of the Five Armies. Ça sera en salle le 17 décembre. C'est quand même bientôt. J'ai vraiment hâte de voir ça. Une suite pour The Woman in Black. The Woman in Black, Angel of Death. C'est un film signé par la Hammer, parce que la Hammer a repris du service depuis quelques années. Ça sera en salle le 1er janvier 2015. Ex Machina, qui est un film de science-fiction, sera en salle le 28 janvier 2015. En fait, du moins, au Royaume-Uni. Ici, c'est à déterminer encore. Et on ne pouvait faire autrement, bien sûr. Pourquoi ne pas étirer l'élastique au maximum jusqu'à temps qu'il nous le pète, qu'il nous pète dans la face? Eh bien, Insidious Chapter 3, le 29 mai 2015. Déjà que le deuxième commençait à être un petit peu dilué. Le premier était correct, le deuxième c'était bien, mais il commençait à manquer de jus. Ben, on va retirer la sauce avec un troisième, ça je suis un petit peu moins partant, mais par curiosité, je vais certainement l'écouter aussi. Par contre, des choses intéressantes, très intéressantes et parfois très mauvaises que j'ai vues depuis la dernière émission. J'en ai vu quand même quelques-uns. Je vais commencer par les moins bons. Je vais commencer par un film dont j'étais très curieux, malgré que j'avais un fort pressentiment que c'était pour être assez mauvais. Il s'agit de l'après-quel du film The Conjuring, soit Annabelle. Annabelle, c'est en salle. Je me suis risqué. C'est un film d'horreur, bien sûr, et c'est pas mal mauvais. Je m'attendais pas à grand-chose d'autre, mais la curiosité souvent va l'emporter. En fait, dans mon cas. C'est l'après-quel, c'est l'histoire de cette fameuse poupée Annabelle que l'on retrouve dans The Conjuring, qui n'est quand même pas, dois-je dire, l'attraction principale de ce très bon film d'horreur, mais qui devient le canal par où pénètrent les forces du mal et les esprits errants, et ainsi de suite. Bon, encore ici, je dois dire que c'était inutile de vouloir... Parce que, parenthèse, The Conjuring va avoir une suite. Ça aussi, je pense que c'est possiblement inutile. Mais bon, de faire une préquelle, ça l'était encore plus. C'est long. C'est très long. On s'attend à voir des choses qui pourraient nous donner des explications. Il se passe pas grand-chose. On étire la sauce. On nous amène sur des sentiers qui sont un peu nébuleux pour essayer de nous faire travailler l'imagination. Ça ne fonctionne vraiment pas. En tout cas, ça n'a pas fonctionné dans mon cas. J'ai trouvé ça pénible comme film. J'ai donné un 2 sur 10. Pourquoi pas un 0? Il aurait mérité un 0, mais je dois dire que les deux acteurs principaux, qui sont Walt Harton et Annabelle Wallace, est-ce que c'est elle, la poupée? Non, je crois pas. Sont quand même bien. Ils sont quand même corrects comme acteurs, mais je ne crois pas. En fait, je suis persuadé qu'à eux seuls ne pouvaient pas ramener la situation de ce film qui était une cause désespérée. Autre truc que je n'ai pas aimé, je vous en avais glissé un mot la semaine dernière et je croyais avoir certains divertissements à le voir. C'était un film à connotation criminelle, un film historique, par contre, puis généralement ça m'attire. C'est le film qui s'appelle The Gang ou The Bande van Hoss. C'est un film qui est de André Van Doren, qui est présentement en DVD en Blu-ray, et qui raconte l'histoire dans les années 30 d'une bande de gangsters qui terrorise la ville d'Oss et qui fait à peu près tout ce qu'il veut, achetant des hommes politiques, des hommes d'église, ainsi de suite, pour être capable d'avoir main basse sur leur petit réseau et trafic. Le film débute pendant les 10 premières minutes comme étant très prometteur, mais au bout de ça, c'est d'un ennui, et je cite ma chronique sur le site de réanimation, c'est d'un ennui redoutable. Je vais donner un 2 sur 10 parce que il y a certaines connotations, je suis allé fouiller un peu après ça pour voir quelle était cette histoire-là. Ça semble être assez, je dirais, fidèle à cette passage criminel historique, mais il reste que c'est vraiment, vraiment ennuyant. Par contre, il y a des choses qui ont été assez intéressantes. Je vous parle d'un film de science-fiction et d'horreur qui porte le titre de Extraterrestrial, qui est un film de Colin Meneham, qui, bien sûr, est un film de d'extraterrestres. Vous l'avez compris, j'imagine. Et ce que j'ai aimé beaucoup dans ce film, c'est que on nous ramène certains vieux clichés, ou je dirais stéréotypes plutôt, peut-être, de la vision des extraterrestres qu'on a toujours voulu nous montrer, ces grands personnages effilés avec des têtes un peu disproportionnées, avec des grands yeux à tendance féline, grands yeux noirs. C'est comme ça qu'on nous les présente. On nous les ramène dans une époque un peu des années 50 de la sci-fi, la science-fiction classique, c'est-à-dire qu'ils arrivent pas dans un vaisseau spatial énorme et gigantesque. Non, ils arrivent dans des soucoupes volantes rondes et modestement petites. Et ils sont pas très gentils. Ils ne sont pas amicaux pour une simple et unique raison. C'est qu'on nous explique dans l'histoire. Michael Ironside joue dans ce film. Je veux dire, c'est un film canadien, soit dit en passant. Et il joue le rôle d'un vétéran du Vietnam qui est un ermite, qui est réclus et qui est convaincu de l'existence de ces créatures extraterrestres qui viendront tôt ou tard faire ce qu'ils veulent sur Terre, parce que il y a eu accord entre le gouvernement américain, plus précisément l'armée américaine et les extraterrestres dans les années 50 à Roswell. Et c'est un accord de non-agression. Et le premier des deux peuples qui transgressera cet accord-là se verra envahi. Et c'est ce qui se passe. C'est quand même original, je dois dire. C'est très divertissant. On nous fait des clins d'œil, comme je le disais, des stéréotypes de ce genre de croyance, si on veut, de mythe, ou appelez ça comme vous le voulez. Et on nous amène ça à l'écran de façon fort correcte. Michael Ironside, c'est un acteur qui a une longue feuille de route, peut-être vieille aussi. Et c'est pas un acteur que je trouve généralement très intéressant, mais ici, je le trouve fort correct. Et ça mérite facilement un 7.5 sur 10 pour Extraterrestrial. C'est correct, c'est très correct, c'est très divertissant. Autre film qui, ma foi, m'a vraiment, vraiment plu, c'était une forte découverte pour moi, et j'en parlais la semaine dernière parce que ce film venait à peine de sortir et je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait d'un film avec quand même une distribution assez intéressante. On parle de Michael Caine, on parle de Kate Beckinsale, pour nommer que ceux-ci, et un acteur que j'ai découvert qui s'appelle Jim Sturgess. C'est un film très gothique, qui est basé sur une histoire d'Edgar, une nouvelle d'Edgar Allan Poe, soit The System of Dr. Tarr and Professor Fetter. C'est une pièce qu'on retrouve d'ailleurs sur un album d'Allan Person Project, soit Tales of Mystery and Imagination of Edgar Allan Poe. C'est un film qui raconte l'histoire de qui raconte l'histoire d'un médecin sorti de Oxford qui étudie la médecine psychologique pour devenir psychiatre, bien sûr, et qui se rend à Stonehurst Asylum, qui est très isolé dans l'Angleterre, qui est une véritable, pratiquement une abbaye, si on veut, mais qui est vraiment en réclusion. Et il se pointe à cet asile-là pour offrir ses services, et il veut aider les gens, les patients qui sont en interne. Donc, il est présenté au directeur, et le directeur, qui est joué par Ben Kingsley, qui joue vraiment bien son rôle, soit dit en passant, lui explique que les gens d'Oxford sont toujours bienvenus, qu'ils ont besoin d'aide, et ainsi de suite, et lui fait faire le tour de cet asile. Il constate, ce jeune médecin, que tous les patients sont libres d'action, ou quasiment, et qu'ils sont en constante liberté, et qu'ils côtoient les aides-soignants, les médecins, et ainsi de suite, de façon très libre. Et pour lui, c'est une nouvelle façon révolutionnaire de pouvoir guérir les maux dans lesquels il souffre. Et il dit que tous ces gens qui sont là sont principalement issus de familles très, très, très riches et très à l'aise, mais dont ces personnes qui ont certains troubles mentaux. Puis à l'époque, on parle ici évidemment de quelques jours avant le début du 19e siècle, donc n'importe quoi ou un éternuement pouvait être considéré comme un problème mental. Eh bien, ce sont des hontes pour ces familles-là, donc on les enferme là et on veut s'en débarrasser, on veut les cacher. Et plus ça va, plus ce jeune docteur se rend compte que la façon de gouverner, la façon de gérer cet asile-là est très peu conventionnelle. Et il se rend compte qu'il y a même des choses qui sont tout à fait anormales, jusqu'à découvrir des gens emprisonnés dans un sous-sol. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est évidemment une des clés de l'histoire, mais c'est excellent. L'aspect pictural, graphique de ce film-là est complètement sublime. Kate Beckinsale, c'est pas une actrice que je trouve extraordinaire, mais elle est très bonne dans son rôle de Eliza Graves. Et il y a une fin qui est un peu surprenante, même voire je dirais un petit peu déroutante, que j'ai bien appréciée. Je lui donne un 9 sur 10. C'est un des meilleurs films que je ne considère pas comme étant un film d'horreur, mais bien plus dans la catégorie thriller. C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année jusqu'à présent et peut-être un des meilleurs films que j'ai vu depuis bien longtemps. Stonehearst Asylum. Il porte aussi le nom de Liza Graves, mais il est sorti sous le nom de Stonehearst Asylum. Je vous le recommande absolument. C'est vraiment très, très bon. Autre chose que nous devrons surveiller au fil des prochaines semaines, en fait, je vais m'y mettre sous peu. Il s'agit de American Horror Story 4 Freak Show. Donc, qui met encore en vedette Jessica Lange, Evan Peters, entre autres, et qui cette fois-ci tourne autour de, on se retourne dans les coulisses d'une troupe de forains, bien sûr, avec des freaks, au niveau de l'Amérique profonde dans les années 50. Ça risque d'être intéressant aussi. Autre film que j'ai vu qui m'a fort plu, il s'agit de Devil's Knot. C'est un film, c'est un drame à tendance criminelle et c'est biographique parce que ça raconte l'assassinat de 3 jeunes enfants en bas âge, entre 7 et 8 ans, en 1993 à West Memphis aux États-Unis. Et c'est tout l'enquête qui vient avec. C'est un bled, effectivement. Et dans l'histoire, les forces policières doivent trouver un coupable. Et puis, le coupable, on va le trouver et on va l'identifier, peu importe la façon de le faire, et peu importe si c'est lui qui est le coupable. En fait, on parle ici de 2 jeunes adolescents qui avaient des tendances, si vous aimez Slayer, vous allez entendre beaucoup Slayer dans ce film-là, parce que les jeunes adorent Slayer. Des jeunes qui ont des tendances très métal, bien sûr, mais aussi africotés avec la magie noire, la magie blanche, et ainsi de suite, en fait, avec des rites particuliers. Ils sont accusés. Ils sont condamnés à mort et l'enquête tourne tout autour de ça. C'est basé sur un fait réel, bien entendu, et c'est très bien fait. Et ça met en vedette Colin Firth et Reese Witherspoon. C'est très bon. Ça n'est pas un film d'horreur, bien sûr, ce n'est pas un film d'action, mais c'est un drame qui a une forte connotation, évidemment horrifiante à cause de ces meurtres. Je vous le recommande, je vais donner un 8 sur 10. Autre film qui m'a vraiment plu, c'est Dawn of the Planet of the Apes. C'est le deuxième volet qui suit Rise of the Planet of the Apes. C'est vraiment excellent. C'est un film de Matt Reeves. Ça met en vedette Gary Oldman. On retrouve aussi Andy Serkis comme dans le premier. C'est vraiment très, très bon. C'est un 8.5 sur 10. J'ai aimé beaucoup l'aspect graphique qu'on y apporte. Les effets sont très bien réalisés. Et l'histoire, malgré le fait qu'on parle ici d'adaptation, malgré le fait qu'on parle d'un remake, c'est très captivant, c'est bien fait. On nous amène sur une belle lancée. Si vous avez connu cette saga qui était La Planète des Singes, qui c'est à la fin des années 60, début des années 70, qui comporte 5 titres, si je ne m'abuse, qui sont pas tous bons, mais il y en a des excellents, eh bien, vous allez vous y retrouver parce que c'est un très bon film de science-fiction. Le film que je vous recommande de revoir ou de découvrir cette semaine, c'est un film de 83. C'est un film de Walt Disney, effectivement, mais ce n'est pas un film qui est de Mickey Mouse, non. Il s'appelle Something Wicked This Way Comes, ou La Foire des Ténèbres. Ça met en vedette Jason Robards et Jonathan Pryce. C'est vraiment excellent. Ça raconte je crois que c'est dans les années 50, une foire ambulante qui déambule à travers l'Amérique et qui s'arrête dans une petite ville des États-Unis. et qui comporte certaines attractions particulières et qui est mené par quelqu'un qui lui aussi est très particulier. C'est un film fantastique, c'est très bien réalisé et pour un film de Walt Disney, je dois dire que ben, en fait Walt Disney, tout le monde croit que ce sont des films pour enfants là ou des films familiaux, c'est peut-être pas toujours le cas. En fait, avec Something Wicked This Way Comes, oui, il y a un aspect familial parce que il y a pas de boucherie, il y a pas de coupage de membres, mais il y a un aspect très malsain et très evil qui vient avec ça. Et c'est tiré d'un roman de Ray Bradbury, donc c'est pour les connaisseurs du genre, c'est pas quelqu'un qui raconte des histoires à l'eau de rose. Donc, moi, je vous le recommande beaucoup. Je lui donne encore, je l'ai écouté récemment, je lui donne encore 8.5 sur 10. Et le temps achève, on va continuer musicalement. Cette fois-ci, avec ma deuxième présentation de la soirée, qui est le nouvel album de la formation américaine de Los Angeles, Abysmal Down. L'album étant Obsolescence, album qui est paru le 24 octobre dernier, qui est leur quatrième album studio. J'ai trouvé très bon cet album. J'avais connu Abysmal Down avec le précédent, qui était j'ai un blanc de mémoire, qui portait le nom de Leveling the Plan of Existence, effectivement. Abysmal Down, c'est du death metal pur et dur. Vous ne pourriez pas vous attendre à autre chose de moi, j'imagine. Mais quoi qu'il en soit, c'est un album auquel j'ai donné un 7.5 sur 10, peut-être un petit peu moins percutant que son précédent par contre. Et j'ai eu une petite bémol avec le vocal de Charles Elliott, qui, je crois, a perdu une certaine puissance. Mais quoi qu'il en soit, c'est très bon musicalement. Je vous propose trois pièces qui sont Human Obsolescence, Perfecting Slavery et Inanimate. Abysmal Down, go! Down. Meltdown et trois pièces tirées de leur plus récente parution, soit le 24 octobre dernier, Obsolescence, sous étiquette Relapse, soit Inanimate à l'instant. C'était précédé de Perfecting Slavery et Human Obsolescence. C'est un bon album. Comme je le disais musicalement, c'est très très bon dans le genre death metal. Le vocal est un petit peu moins puissant qu'il était, mais bon, c'est pas si tragique que ça. La semaine prochaine, je vous présenterai la nouvelle parution. En fait, c'est un EP, un mini-album de cette formation conceptuelle américaine, soit qui porte le nom du concepteur, soit Nader Sadek, qui donne dans du death metal, bien entendu, aussi. C'est surprenant de ma part. Hein. C'est sorti sous étiquette indépendante. C'est disponible depuis très peu en CD. C'est 4 pièces. Et on découvrira ça ensemble parce que ça m'a bien plu. Pour les amateurs de métal, spectacle en spectacle, et vous avez la nostalgie de voir des formations, en fait une formation québécoise qui a œuvré vers la moitié des années 80, un peu plus par la suite, et aujourd'hui encore, elle revient, il s'agit de Dead Brand Soul DBC, qui se produiront en compagnie de The Affected Rioter et Fuck the Middle East. Ils seront le vendredi 21 novembre prochain à la salle Unisson de Québec. C'est le 385 rue Saint-Anselme à Québec. Les portes ouvriront à 7 heures et les billets sont en vente au coût de 16 $. Et Le lendemain, le 22 novembre, ils seront aux Catacombes de Montréal. Donc, si ça vous intéresse, ben, ça risque d'être fort intéressant d'ailleurs. Aussi, simplement à titre d'information, si vous êtes un amateur de Behemoth, on en a parlé tout à l'heure, eh bien, ils lançaient, il y a quelques jours, un vinyle édition spéciale qui s'intitule... attendez un instant, je vais aller chercher le titre, là. Si jamais on se décide à pouvoir... Ah ben, on peut pas y aller. Dommage, je vais vous dire la... Je vous le dirai la prochaine fois, la semaine prochaine. C'est une édition très spéciale pour les collectionneurs parce qu'il n'y aura que 500 copies de disponibles. Le 11 novembre, King Diamond, une espèce de greatest hit, si on veut, qui sera disponible le 17 novembre, Bloodbath. La semaine prochaine, comme je vous dis, je vous l'ai dit, je serai ici avec Nader Sadek, entre autres, et plein d'autres choses tout aussi horrifiques et peut-être intéressantes. Qui sais-je, qui sait? Est-ce que je sais? Écoutez, ça donne à rien, là. Je suis pas dans la conjugaison du tout ce soir. On se laisse avec une dernière pièce qui est tirée d'une excellente formation qui porte le nom de Septic Flesh. Une pièce tirée du dernier album Titan, soit Prometheus. Et d'ici la semaine prochaine, bien sûr, eh bien, voici le conseil de votre bon docteur. Allez tous vous faire foutre. Go!